Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 16 novembre 2015, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, le segment Geek CNX et plein d'autres choses, sûrement pas que je devrais pas annoncer parce qu'on les fait jamais en fin d'émission, on l'a fait pour la dernière. Dans quelques instants, par contre, ça va être la chronique sur les jeux vidéo rétro qu'on appelle d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Ça sera dans quelques instants. Mais pour commencer l'émission, on écoute un petit peu de musique chiptune et je vous ai choisi une pièce de Mills DJ, un habitué de l'émission. Donc le voici avec There's No End. Tout de suite au Mathieu Plante Show. C'est fou! Maintenant, Mathieu Plante Show. Dans Television, des produits dérivés pour les recettes pompettes. On veut aussi des produits dérivés pour le Mathieu Plante Show, genre une machine qui fait boum tchou. Dans segment Geek CNX, c'est Project Arford, une intelligence artificielle qui détecte les émotions dans les photos. Moi, je suis capable de détecter les malaises. Souvent parce que c'est moi qui les crée. Et dans Merci Science, les horaires décalés perturberaient la santé. Au Mathieu Plante Show, tout de suite. Hein, j'ai réussi, j'ai fait. Et voici celui qui s'était pas écrit d'introduction, mais qui finalement en a fait une pareille. Mathieu Plante! Ah, on essaie des affaires. J'avais déjà fait une intro tantôt, mais là, en voulais une autre parce que je me suis écrit des jokes puis je me trouve drôle. Hein? Donc, bienvenue à Mathieu Plante Show. Oui, redébut, redémarrage. C'est comme dans Windows. Faut que tu repartes ça une fois de temps en temps. C'est comme ça. J'accueille Samuel Girard tout de suite pour s'accoler d'un gamer à un autre. Bonjour à toi, Samuel. Hello! Ça va bien? Oui, toi ici? Oui, est-ce que t'as apprécié mon intro écrite pendant qu'on jouait de la musique? Ben oui, j'ai vraiment apprécié ça. C'était bien réussi. Merci. Et j'espère juste que moi, j'aurais pas besoin de redémarrage quand je vais commencer ma chronique. Toi, t'as une seule chance parce que t'es pas derrière la console et t'as aucun pouvoir décisionnel sur comment la chronique se passe. Exactement! Ben tiens, justement, maintenant que t'es là, on peut commencer ta chronique que voici. Nommé d'un gamer à un autre. Ah, salut Samuel! Hey! Ah wow, c'est du Zelda! Ben ça. Oui, ben Legend oui. of Zelda Majora's Mask. Mm-hmm, c'est ton sujet d'aujourd'hui. Exactement, mais je vais y donner une petite teinte plus obscure. OK. OK? Parce qu'il y a une théorie qui est extrêmement populaire. J'ai juste dit ça aujourd'hui, que j'allais parler d'une théorie de Majora's Mask, et tout le monde m'a sorti cette théorie-là directement. Donc, elle a marqué les gens. Pour ceux qui la connaissent pas, ben je vais vous partager ça aujourd'hui. Ah, que t'es fin! Ben oui, c'est ça. Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. Évidemment, c'est sûr que c'est pas le sujet le plus agréable à associer avec Majora's Mask, mais quand même, pour les hardcore gamers, c'est vraiment une belle théorie à développer. Dans le sens que c'était peurant, est-ce que ça fait mal, c'est douloureux? C'est mélange de plein de choses. Okay. Ça laisse un petit arrière-goût mauvais sur un jeu qui est si bon. Ah, c'est intriguant par contre, hein? Ça, faut dire. C'est ça. Je vais aller droit au but en vous disant c'est quoi exactement la théorie. Donc, c'est est-ce que Link est mort dans Majora's Mask? Ah! OK. C'est aussi droit au but que ça. C'est en effet assez déprimant. Hein? C'est ça. Donc, en fait, on va mélanger ça un petit peu avec un peu de psychologie. OK. On vit tous à un moment donné ou à un autre dans notre vie le décès d'un proche. Ouais. OK. Et ça nous affecte. Il existe un modèle qui s'appelle le modèle de Kubler-Ross qui était fait pour accepter la mort d'un proche. Il fonctionne en 5 étapes. La première étant le déni. Mm-hmm. La deuxième étant la colère. Troisième étape étant le marchandage. Quatrième étape étant la dépression. Et finalement, la dernière étape étant l'acceptation. Oui. Donc, on dit que pour une personne standard qui perd un proche, c'est 5 étapes qu'on doit traverser pour vraiment faire son deuil. Okay. Je le crois pas qu'il est mort. Ça me fâche qu'il est mort. On pourrait-tu le ramener? Après ça, il y en a la quatrième, je m'en rappelle pas. La dépression, donc non, dépression, il reviendra jamais. Et finalement, je l'accepte. C'est ça. Donc, ouais. Tu viens de exactement résumer ça. Maintenant, c'est quoi le lien entre ça et Majora's Mask? Il n'y en a pas. C'est ça. Fin. Merci, Samuel. À la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Excellent. Donc, c'est ça. Dans le jeu, c'est divisé en 5 royaumes. On a Clocktown, Woodfall, Snowhead, Great Bay et Ikana Valley. Les personnages du jeu vivent une perte dans chaque royaume qui coordonne avec le modèle. Donc, si je résume ça, dans Clocktown... Donc, juste vous faire une petite mise en contexte, ça va aller mieux. La manière que le jeu fonctionne, c'est qu'on arrive dans un monde où la lune va s'écraser sur Terre. Et on a un temps donné pour réussir le jeu. Ah, c'est celui-là, ça. Oui. C'est celui-là. Okay. Donc, en fait, tout le monde est dans une situation où c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Mm. Donc, dans Clocktown, même si la lune va bientôt s'écraser sur la Terre, tout le monde s'en fout. Ils poursuivent même l'organisation d'un carnaval qui va avoir lieu dans les prochains jours. Et au niveau de l'élite politique, les dirigeants du village, on traite de peureux les gens qui croient en l'histoire de la Lune et on leur dit que ça a été une invention pour faire peur aux gens. Bon. OK? Même si on regarde dans le ciel, on voit clairement et que là, ça grossit puis que ça s'en vient. Ensuite, donc là, on est vraiment à Clocktown, c'est le déni total. Oui. On s'en va ensuite à Woodfall et en passant, les niveaux se suivent dans un ordre chronologique. T'as pas choisi de faire dans cet ordre. C'est ça, exactement. Okay. Dans Woodfall, on a le Deku Palace, dans lequel on apprend que la princesse a disparu. Elle a été enlevée. Alors, le roi est vraiment en colère et décide de passer toute sa frustration sur la race des singes qu'on trouve aussi dans Woodfall. L'affaire, c'est que les singes n'ont absolument rien à voir dans cette histoire-là. Donc, c'est juste de... Il est fâché, il faut qu'il passe sa frustration sur quelqu'un et il trouve un coupable... Les musulmans, je veux dire les singes. Oh! Ah, c'était facile, hein? Tu l'as vu venir, hein? Ouais, ouais, pas mal. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc là, on est dans l'étape de la colère, la frustration. Ensuite, Snowhead, les Goron qui viennent de perdre leur chef. Donc là, tout le monde est un peu dans un état triste. Et au fil du jeu, on finit par rencontrer le fantôme du chef qui est décédé. Mais lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est qu'il veut absolument... Il supplie Link d'utiliser ses pouvoirs, sa magie pour le ramener à la vie, ne serait-ce que pour une courte période de temps. Puis il insiste, là. Puis il veut faire des échanges de services avec Link. Ça semble à du marchandage. Exactement. Donc, là, on est vraiment dans l'étape du marchandage. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, ben, écoute, t'es décédé, il n'y a rien à faire. Et Link ne peut pas aider le chef des Goron. Donc, lui, il tombe dans une sévère dépression ouais. quand il voit qu'il n'y a pas de retour en arrière sur la situation qu'il vit. Donc là, on entre déjà dans la dépression. Et ça se poursuit dans Great Bay, lorsque Link rencontre Lulu, une Zora qui a perdu ses enfants. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'elle est là sur... comme elle est un petit peu à la sortie d'une grotte. Elle regarde l'horizon. Elle dit pas un mot. Elle est vraiment en mode végétatif. C'est la dépression, tout simplement. Elle n'est pas capable de vraiment accepter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on est encore un peu dans une situation avec des gens dépressifs. Finalement, on a Ikanava... Pardon. ça va aller si je garde ma voix. Donc, on a Ikanavale, donc qui est une place où où il n'y a que des morts. Donc, c'est quand même une place de zombies qui ont accepté leur sort. Donc, tu vois, oui, il y a des morts, mais sont en paix avec eux. Ouais. Et en plus, le monument de cette place-là, c'est la Stone Tower Temple qu'on doit escalader jusqu'au sommet. Et ça dit un peu que d'escalader cette tour-là, c'est comme d'atteindre un peu le paradis. Mm-hmm. Donc, puis il y a toutes des références avec atteindre la lumière, t'ouvres le coffre et l'objet que tu y trouves, c'est la Light Arrow. Donc, c'est tout un peu c'est des clairement des références, c'est oui. Ça. Et évidemment, quand tu te rends là, ben, c'est le moment où tu es capable t'as atteint ce qu'il faut pour accepter ton sort. Mm-hmm. Donc déjà là, c'est douteux un petit peu de la manière que les thèmes sont organisés à travers les 5 royaumes qu'on doit visiter dans le même ordre que le modèle Kubler-Ross. C'est une très bonne inspiration comme thématique, la mort. Mais oui. Qu'est-ce qui fait qu'on dit que la théorie est que Link est c'est mort? C'est ça, parce que mm-hmm. ça peut juste être ça la thématique, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont poussé ça plus loin? C'est les autres points que j'amène. Mm-hmm. Il y a d'autres choses aussi, avant qu'on tombe vraiment dans l'histoire avec Link. Donc, il y a une partie de l'histoire que c'est sur un cycle de 3 jours qui se répète. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans un état où il n'a toujours pas atteint, il n'a toujours pas accepté la situation, ben c'est comme si le temps s'arrêtait. Ah ouais. Donc, on a toujours ce loop temporel-là qu'on retrouve dans le jeu. La théorie veut que tout au long du jeu, Link est en purgatoire et doit accepter sa mort. Là, ça, c'est là que ça divise un peu les gens. Mm. OK? Ouais, mais est-ce que vraiment c'est Link qui est concerné là-dedans? C'est là qu'il y en a qui ont cherché un peu plus. Au départ, Link, il veut chercher Navy, l'espèce de petite fille qui dit « Hey, listen! » Puis on sait pas pourquoi qu'il veut retrouver ça, c'est juste fatigant. Ouais. C'est pas grave. Et là, il est dans une espèce de bois avec son cheval. Et là, un moment donné, on rentre dans un arbre et on arrive à l'endroit qui s'appelle Termina Field. Ou Terminal. Ouais. Terminal, comme dans... ça finit là. C'est ça. Ouais. Ça commence à Termina Field. C'est un peu louche. Mm-hmm. J'ai dit que Link passait dans un arbre pour atteindre ce monde-là. Ben, coudon, Link, c'est parce qu'il est tombé dans un arbre. Et la chute est longue. Okay. Et il y a un peu d'éléments psychédéliques là-dedans. Ah ouais. Donc, comment est-ce que tu peux tomber à l'intérieur d'un arbre mm-hmm. et te ramasser dans un monde qui a sa lune, que c'est découvert, alors qu'on sait que normalement c'est un royaume qui un peu se situe sur Terre. Heroes, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça. Fait que là, on se demande, voyons, comment est-ce que, c'est quoi, il a changé de dimension, qu'est-ce qui se passe? Et si tu te rappelles bien, en tout cas, j'ai joué surtout avec Ocarina of Time, mais quand tu sautes de haut, tu prends des dégâts. OK, oui. Et la chute dans l'arbre est très longue. Ah oui. Donc de très haut. C'est pas qu'il arrivera en bas, puis ah, tout est beau. Est-ce que c'est à ce moment-là que Link meurt? Il y en a qui se posent la question, et comme de défaite, quand que ta chute se termine, t'es soudainement dans Termina Field. Uh-huh. Et là, ça se continue. Donc, dans Termina Field, on peut voir plusieurs personnages identiques à des personnages de Ocarina of Time. OK. Il y a pas quelque chose qui dit que quand que tu décèdes, tu revois passer le film de ta vie. Ouais, ouais. Donc, comment ça que tu arrives dans Termina Field et tous les personnages, dans le fond, se trouvent être des jumeaux de personnages que tu as rencontrés dans Ocarina of Time. Que tu viens juste de rencontrer parce que ça se passe juste avant. C'est ça, exactement. Donc, Majora's Mask est la suite directe d'Ocarina of Time. Là, c'est étrange un peu. Ils ont comme repris les mêmes personnages. C'est pas au même endroit, là. Donc, les personnages peuvent pas juste exister à deux endroits en même temps. Mais surtout que c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes personnages, mais physiquement, ils sont pareils. Oh boy. C'est ça. Ensuite, il y a le Majora's Mask, donc il y a le concept des masques que Link peut porter. Tous les masques proviennent de personnages qui décèdent dans Majora's Mask. Oh, là, c'est lourd, là. Donc là, il y a le concept, encore une fois, de la mort ici. Il y a une chanson qu'on apprend vers la fin du jeu qui permet de créer une statue du personnage dont on porte le masque. Les statues, en fait, quand on les voit apparaître, ça ressemble à une urne funéraire, une œuvre commémorative de la personne décédée. Jusque-là, OK, parfait, donc tu portes un masque et whoop, OK, là, tu fais apparaître la statue de ce personnage-là. Mais parmi les statues que tu peux faire apparaître... Tu peux faire apparaître une statue de Link. Non. Ça, c'est trop, là. Ça va trop loin. Ça, c'est clair, là. Donc, si les seules statues qui peuvent apparaître, c'est des personnages qui décèdent pendant Majora's Mask... Et t'es dedans. Et là, tu peux faire apparaître une statue de Link. Est-ce que ça veut dire Link fait partie des personnages décédés dans Majora's Mask? Ça serait normal de se poser la question, ouais. C'est ça. Là, c'est ça. Sinon, il y a aussi une histoire de chronologie officielle, que je trouve un peu spécial. Donc, les fans sont montés comme une chronologie officielle avec évidemment plusieurs branches, comme s'il y avait plusieurs univers de The Legend of Zelda, avec plusieurs versions de Link, plusieurs versions des personnages. C'est ça, plusieurs versions de Link. En tant que tel, ça peut pas être la même lignée qui, où il est en cel shading, puis l'autre où il est en vue par en haut, puis l'autre c'est en 3D. C'est ça, il est plus cartoon aussi dans certains. Bon, mais ils ont chacun leur lignée, puis ils disent qu'il y a des jeux qui se suivent bien, alors qu'il y en a d'autres que c'est des univers parallèles. Ouais. Mais parmi la lignée qui nous intéresse, donc on a Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess qui suit. Twilight Princess qui est au GameCube. Et là, on dit que parfait, si Twilight Princess est la suite directe de Majora's Mask, est-ce qu'il y a des liens à faire avec un personnage qui apparaît dans Twilight Princess, c'est-à-dire le héros qui s'appelle Shade? Si on va voir la description de Shade qui est donnée, la description officielle, ça nous dit que c'est un descendant, un ancêtre de Link. Par contre, est-ce qu'il y en a qui se sont dit, au lieu d'être un ancêtre, est-ce que ça peut être Link? Lui-même. Ouais. Donc, est-ce que c'est une autre incarnation de Link qui est décédé dans Majora's Mask et qui apparaît comme étant squelettique dans Twilight Princess? Qu'est-ce qui fait dire aux gens que ça pourrait être Link? Premièrement, il est gaucher comme Link. Donc, quand le combat commence, les deux portent l'épée de la même main et se placent de la même position pour commencer. Lui ici, il a bouclier, épée. Il y a beaucoup de gauchers, donc peut-être que notre collègue Tania Baudin est Link aussi, vu qu'elle est gauchère, c'est ça? Oh, ça se peut! Peut-être, on sait pas. Oh, une autre théorie à développer. Ces forums, ça va être bien populaire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et en plus de son style de combat, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est jouer des chansons qu'on apprend dans le jeu Ocarina of Time. Donc, au lieu d'être un ancêtre de Link, le héros du temps, est-ce que ça peut être le Link qui est décédé dans Majora's Mask, qui a toujours pas réussi à aller chercher de l'acceptation et qui est encore dans ce monde-là parce qu'il y a encore de quoi accomplir? Est poussée, celle-là. Ouais, un peu. Hein. Mais reste que c'est dans les éléments qui ont été apportés pareil. Donc, je tenais quand même à en faire part à nos auditeurs. finalement, le dernier point que j'ai, c'est le fameux marchand de masques qu'on rencontre assez tôt dans le jeu. Et quand on arrive, on est sous la forme de Dekushraup. Je le prononce comme du monde, donc des espèces de petites plantes avec la bouche pour tirer des billes, là, ouais. Des espèces de bon. J'essaie de trouver la meilleure manière de le décrire. C'est bien. Ouais. C'est ça. On arrive dans cette forme-là parce qu'on était transformé de même. Et le marchand nous dit: "You've met with a terrible fate, haven't you?" Vous avez rencontré une terrible destinée, n'est-ce pas? C'est ça. Et là, les gens, tout de suite, s'imaginent que c'est la phrase pour dire: ben oui, mais c'est ça, t'as été transformé en espèce de créature louche, donc c'est pour ça qu'il te dit ça. Mais la phrase réapparaît dans le jeu. Plus souvent qu'on pense, dépendant de votre talent dans le jeu. Si vous êtes mauvais, vous allez l'avoir souvent. Si vous êtes bon, vous verrez plus jamais cette phrase-là dans le jeu. OK? La phrase réapparaît quand on échoue dans notre quête et que la lune s'écrase sur la Terre, donc quand on n'est pas assez vite pour terminer le jeu. Et là, quand que la lune s'écrase, on voit tout se faire détruire, on voit Link se faire ramasser par une espèce de corridor de feu. Et là, le texte apparaît et ça redit mot pour mot: "You've met with a terrible fate, haven't you?" Et c'est la même voix que le marchand de masques. Oh. Donc, est-ce qu'on peut dire que lui, cette phrase-là, ça représente pas le fait que t'aies été transformé dans une autre créature? Ça représente la fin, la mort. Ouais. Parce que le moment où cette phrase-là est le plus souvent répétée dans le jeu, c'est quand tout le monde meurt au moment que la lune s'écrase. Fait que là, le fait qu'ils disent la même phrase au début du jeu, ça laisse présager que c'était pas ça qu'ils voulaient dire. C'était plus le fait que Link vient de mourir après sa chute. Donc, te voici maintenant dans un royaume où tu vas devoir passer par les 5 stades pour accepter qu'est-ce qui t'est arrivé. Ouais. C'est un peu spécial, toute cette histoire-là. Donc, en fait, la manière que je veux vraiment conclure toute cette histoire-là, c'est que Majora's Mask est un jeu extrêmement bien réussi, extrêmement complexe, avec de nombreux personnages qui nous font vivre différentes gammes d'émotions. Dépendant de ton de comment tu te sens au moment que tu joues, t'as certains personnages qui vont t'interpeller plus que d'autres. Et ça va changer dépendant où tu te situes dans ta vie au moment où tu joues. Ouais. OK? Donc, exemple, il y a une petite fille qui vient de perdre de sa famille dans le jeu et qui est triste. Ben, si toi, tu traverses une période difficile de même, ce personnage-là va beaucoup plus te rejoindre qu'un autre dans le jeu. Majora's Mask a été tellement bien réussi dans sa conception, OK, au point de vue artistique, point de vue développement des personnages, développement de l'histoire, que tout le monde trouve son compte et chaque joueur peut interpréter des éléments de l'histoire de la manière que ça lui tente pour lui faire vivre la meilleure expérience possible. C'est ce qui fait que Majora's Mask, on en parle encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont le goût de jouer à ce jeu-là et Majora's Mask est encore un standard pour établir ce que devrait être un jeu de The Legend of Zelda. Ouais. Et ce que Link devrait vivre comme aventure. Donc, peu importe... C'est vrai comme un discours épique que t'avais avec la musique en arrière. Ça faisait comme... Mais Legend of Zelda! J'aime ça quand ça fait bien comme ça. Ça, je vais réécouter juste ce bout-là. Ça va donner des frissons. Exactement. Excuse-moi. Mais non, mais c'est ça. Mais bref, le jeu est de toute beauté. Et il y en a qui ont trouvé cette hypothèse-là. Mais peu importe que vous aimiez ou pas ce concept-là, le jeu est fantastique. Puis le jeu peut vous faire sortir les théories que vous voulez. Vous pouvez accepter ce qui vous tente dans qu'est-ce que j'ai dit. Vous pouvez refuser ce qui vous tente. Vous pouvez avoir d'autres théories et fouiller sur Internet. Parce que là, moi, j'ai été voir qu'est-ce que The Game Theorist... c'est ça? Game Theory? Game Theorist. Ouais, c'est ça. Ouais. A sorti. Mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres choses qu'on peut avoir. Bref, Majora's Mask est un jeu fantastique et j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer dans le temps des fêtes. À chaque affaire que je vois, ça me donne plus le goût de jouer. Est-ce que t'as vu quelques détails qui sortent sur le prochain Legend of Zelda? Ouais, le Legend of Zelda Wii U. Qui devrait sortir en 2016, en fait. Ouais, exactement. Ben, j'ai vu un premier vidéo de gameplay, vraiment version alpha, là, même pas bêta encore. Là. Ça part déjà bien. C'est beau, hein? C'est très beau. Il y a une capture d'écran ici. Wow! Mais, ça a l'air de quoi, la capture d'écran que t'as? C'est marqué une capture d'écran à l'intérieur du jeu, donc c'est supposé être à l'intérieur du jeu, mais on dirait une peinture de paysage avec gazon, roche et arbre. Et ça ressemble vraiment à une peinture, donc j'imagine que le look du jeu va être un petit peu plus... pas dessin animé comme ce qu'on connaît de Wind Waker, mais quelque chose d'artistiquement comme un tableau, on dirait. T'sais. Ouais, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça va être bon. Ouais. Juste avec qu'est-ce que j'ai eu, on a l'air de vouloir ramener les éléments des jeux qu'on a aimés. Ouais. Ils n'ont pas le goût de s'en aller trop vers d'autres choses ou d'essayer de quoi de nouveau. Ils ont dit non, les gens aiment ça, on va leur trouver un concept qui tourne autour des éléments qu'ils ont aimés. Qu'est-ce que tu penses aussi de Linkle, personnage féminin qui va être dans Hyrule Warriors? Ça va être une version. C'est pas une version féminine de Link, c'est vraiment un personnage à part entière. Ah, j'avais pas vu qu'elle allait avoir un personnage féminin. Ça faisait quelques années qu'il parlait qu'il y avait comme des rumeurs qu'il y aurait éventuellement un personnage féminin. Encore une fois, pas une version féminine de Link, mais l'équivalent féminin, mettons, de Link. Comme un peu ils font dans Pokémon, que c'est pas. Un est pas une version féminine de l'autre, mais c'est deux personnages différents. Puis dépendant lequel que tu prends, tu vas avoir l'autre comme rival. Mm-hmm. Fait que tu peux jouer. Donc elle s'appelle Linkle. Vous allez voir ça avec ses petits cheveux blonds. Ah, ça, mais c'est bon ça. J'aime ça. Ça va offrir du choix aux gens. Parce que si je me trompe pas, ce jeu-là, c'est que tu vas pouvoir choisir. Tu vas pouvoir choisir entre plusieurs personnages. Moi, ce que j'ai vu en tout cas de Linkle à date, c'était que c'était pour Hyrule Warrior. Il me semble bien. Donc, j'ai la page ici. Je veux me renseigner là-dessus. J'aime ça me renseigner en direct. Personnage prévu pour Hyrule Warriors. Elle a finalement été absente dans le jeu. Elle apparaîtra dans Hyrule Warriors Legends la prochaine. Donc, Linkle ressemble énormément à Link. Elle a les mêmes yeux bleus et cheveux blonds que ce dernier et porte des vêtements similaires mais adaptés à la jante féminine. Petite cape, jupe, grande botte. On peut la considérer comme la version féminine de Link, comme on disait tantôt. Elle est armée de deux arbalètes, faisant penser à celle que Link utilise dans Link's Crossbow Training. Donc, à la place d'avoir seulement une arbalète, deux arbalètes. Quand même. Ouais. Il serait possible que Linkle, comme tous les autres nouveaux personnages, soit transférable dans Hyrule Warriors, donc le premier. C'est pas mal ça pour les détails, mais. Mais c'est cool. Bon, mais c'est ça. Mais si je me trompe pas, Hyrule Warriors, ils ont amené un peu les éléments multijoueurs. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, donc ça va laisser du choix aux gens. Ouais. Je trouve ça très bien. C'est très bien. Donc voilà, merci Samuel Girard. Mais ça fait plaisir. J'espère que c'était pas trop déprimant de parler de la mort ainsi. Jamais. Ok, jamais. C'est bon. Tu me faut rassures. L'accepter. Je suis rendu à la voilà. Cinquième étape. Oh, c'est bien ça. Je t'ai fait cheminer pendant ma chronique. Merci. Oui, c'était fumant comme tu m'as fait cheminer. Donc on te retrouve à Génie en Liberté les jeudis matin à 9h30. Exactement. Et de quoi tu nous parles dans la prochaine édition? On va parler, en début d'émission, on va parler de sexe. Ok. Donc sexualité déviante. Oh. Oui, c'est ça. ça a l'air étrange. Partir encore. En force. C'est ça. Ensuite, vers 10h, on devrait discuter avec le pharmacien. Oh, j'ai tellement génial. Aimé la première entrevue que j'ai pu faire avec lui l'année dernière. J'ai dit, faut remettre ça. Et là, ça a donné bien ce jeudi. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir lui parler. Et tant qu'à être dans la thématique de santé, que ce soit santé sexuelle ou santé en général, eh bien, on va avoir un étudiant en médecine qui va venir nous parler de campagne de vaccination. Ah. Parce que là, il y a tout un tollé. Parce que l'année dernière, ça a très mal fonctionné. Donc, on va avoir le point de vue d'un médecin qui va nous expliquer ça avec les bons termes sur c'est quoi qui s'est passé. Donc, thématique santé demain, on met un peu de côté la politique. Donc, fait changement, Ben, c'est ça. On va parler des événements en France, mais je voulais pas m'éterniser là-dessus. À un moment donné, ça devient lourd un peu. Oui, tout le monde en parle. Donc, en plus, ben, c'est ça, exactement. Donc, demain, je voulais vraiment monter ce concept-là d'émission. C'est demain, Génie en Liberté. Jeudi matin à 9h30, sinon ça repasse les samedis à 10h. Soyez-y. Merci encore une fois, Samuel Girard. Ça fait plaisir. On se quitte sur cette chanson de l'orchestre du jeu vidéo Majora's Mask. Et on revient après la pause avec Television, non, Mathieu Plante Show, SLA. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'était Bun Muffins avec Blang, précédé de Blue Trees Green Water par Just Been Warp Zone de Mathieu Planchot. Maintenant, c'est Television Television. C'est Télévision, Télévision de la chronique télévisuelle du Mathieu Planchot et on commence au Québec avec des produits dérivés pour les recettes pompettes. Vous êtes fanatique de l'émission Les recettes pompettes avec Éric Salvaille? Hein? Ben, sachez qu'il est maintenant possible de vous procurer une série de produits dérivés aux couleurs de l'émission. Ça n'a rien à voir, mais on fait de l'argent là-dessus. Donc, on propose 7 articles différents, un shooter, une flasque en acier inoxydable, un tablier, des mitaines de four, une planche à découper, une ligne à vaisselle et des verres froissés. L'ensemble peut être acheté pour 125$. Imaginez comment ils vont faire de l'argent. Les articles de collection sont en vente sur le web ou dans les magasins Doyon Cuisine, une chaîne qui a pignon sur rue dans 4 villes, dont Trois-Rivières. Évidemment, on sait que c'est une émission de cuisine, les recettes pompettes. Les invités trinquent sans retenue alors qu'ils préparent des plats qui doivent ressembler à une recette présentée en début d'émission. C'est tout pour ça, mais sinon, la première saison a pris fin en avril dernier. Il y en a une deuxième qui va être diffusée à l'hiver. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de nouvelles de télévision pour que j'en parle. Au Canada, maintenant, anglais, proximité avec Justin Trudeau, Peter Mansbridge est dans l'embarras. Le chef d'antenne vedette de la CBC, Peter Mansbridge, qui a obtenu un accès exclusif au premier ministre Justin Trudeau le matin de sa prestation de serment, aurait célébré le mariage de la directrice des communications du chef libéral il y a quelques années, a apporté le site d'information indépendant Canada Land. Une vidéo du mariage de Kate Purchase est mise en ligne il y a 2 ans montre un homme qui serait Peter Mansbridge en train de parler aux deux mariés sous une arche de fleurs. La mariée n'était toutefois pas une proche conseillère de Justin Trudeau à l'époque. Kate Purchase et CBC ont confirmé à Canada Land que Peter Mansbridge était en effet ami de longue date de la famille de la directrice des communications et qu'il a bel et bien pris part au mariage de celle-ci. Mais on dit qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt, c'est ce qu'a déclaré le chef des affaires publiques de Radio-Canada aux médias indépendants. Le père de Kate Purchase, Bruce Anderson, a d'ailleurs annoncé hier récemment son départ du panel d'experts de l'émission At Issue de la CBC, animée par Peter Mansbridge, en raison du nouveau poste de sa fille au sein du gouvernement. Je cite, ces personnes se connaissent depuis toujours, ils sont tous les deux professionnels. Certaines personnes ont besoin de se trouver une vie, a écrit Bruce Anderson sur Twitter il y a quelques jours. On va aux États-Unis où le transpersonnage se transforme en série. Le film du sud-coréen Bong Joon-ho servira d'inspiration à une série télévisée dont la chaîne de diffusion n'a pas encore été trouvée, indique la société de production Tomorrow. Dévoilé en avant-première en septembre 2013 en clôture du Festival de cinéma américain de Deauville, le transpersonnage étendra son univers au petit écran. Josh Friedman, scénariste de La Guerre des Mondes, le Dahlia Noir et les deux prochains Avatars, se chargera de retranscrire en série l'ambiance post-apocalyptique créée par les Français Jacques Lob et Jean-Marc Rochette dans leur bande dessinée des années 80. Le transpersonnage situe son action dans un futur proche où un cataclysme climatique a entraîné la glaciation de la Terre. Les survivants se sont alors réfugiés dans un train qui voyage autour de la planète sans jamais s'arrêter. Ce train gigantesque a recréé la hiérarchisation d'avant la catastrophe, laissant sa sécurité aux mains des militaires. La série s'inspirera davantage du film de Bong Joon-ho que de la bande dessinée. Ce premier film en langue anglaise du Coréen embarquait à son bord Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt et Octavia Spencer. Cette version télévisée compte bien sûr surfer sur la mode des dystopies qui ont envahi depuis quelques années les écrans. À l'image de Hunger Games ou Divergence, la série mettra en avant l'inégalité à travers la hiérarchisation de la société avec des wagons luxueux à l'avant du train occupés par des aristocrates et les plus crasseux en queue pour le peuple. Il aura pour héros un jeune homme du bout du train qui, à l'image de Katniss Everdeen dans Hunger Games, se rebellera et tentera de modifier l'ordre établi. Toujours aux États-Unis, l'affaire Madoff aura une version sur ABC avant celle de HBO. La version donc d'ABC de l'affaire Madoff arrivera en février, soit bien avant celle de HBO. Le réseau dégainera Madoff, sa mini-série sur l'escroc américain les 3 et 4 février prochains, alors que les abonnés de la chaîne câblée HBO devront patienter jusqu'au printemps 2016 pour découvrir The Wizard of Lies. À l'image de Steve Jobs ou encore du livre de la jungle, deux fictions sur Bernie Madoff sont actuellement en préparation. ABC prend de l'avance sur la concurrence en dévoilant les dates de diffusion de sa mini-série portée par Richard Dreyfuss. Pour évoquer cette histoire qui a fait la une à travers le monde en 2008, ABC a fait appel à l'acteur Richard Dreyfuss, célèbre pour son rôle dans Les Dents de la Mer. ABC recréera à l'écran l'entourage de Madoff, condamné à 150 ans de prison. Blythe Danner, mère de Gwyneth Paltrow, connue pour avoir incarné la belle-mère de Ben Stiller dans la saga La Belle Famille, comprend sa femme Ruth, avec qui il a deux fils. Mark, joué par Tom Lipinski, également accusé dans cette affaire, s'est suicidé en 2010, tandis que Andrew, joué par Danny DeFerrari, est mort l'année dernière d'un cancer. Son frère Peter, qui lui aussi a participé à l'escroquerie en falsifiant les comptes de la société, sera joué par Peter Scolari. Eleanor Scolari, sa secrétaire, jouée par Aaron Cummings, et Frank DiPasquale, l'un de ses collaborateurs, joué par Michael Rispoli, seront également présents, tout comme Harry Markopoulos, joué par Frank Whaley, un analyste financier par qui le scandale a éclaté. L'homme avait alerté dès 1999 la SEC, qui est l'organisme qui contrôle les marchés financiers aux États-Unis, intrigué par ses taux de profit élevés. La mini-série d'ABC servira d'apéritif à l'affaire qui sera également évoquée dans The Wizard of Lies, le téléfilm de HBO. La chaîne passée maître en la matière a une nouvelle fois rassemblé une distribution de luxe pour sa fiction avec Robert De Niro et Michelle Pfeiffer dans la peau du couple Madoff. Ce casting plus hollywoodien a été en outre dirigé par Barry Levinson, qu'on connaît pour Good Morning Vietnam et des hommes d'influence. Qui a déjà collaboré avec HBO sur le téléfilm avec Al Pacino, La vérité sur Jack. Samuel Baum, créateur de la série Lie to Me, s'est également greffé au projet en participant au scénario, venant en aide à Diane Henriques, auteur du livre The Wizard of Lies, Bernie Madoff and the Death of Trust. Grâce à des moyens plus conséquents, HBO devrait offrir à son téléfilm une meilleure promotion jusqu'à sa diffusion au printemps prochain. Si The Wizard of Lies arrive avant fin mai à l'antenne, la fiction pourrait être alors éligible aux Emmy Awards 2016. Un beau duel au sommet s'annoncerait alors entre Richard Dreyfuss et Robert De Niro, deux acteurs oscarisés qui convoiteraient la statuette pour le même rôle. Voilà pour cet article de Relax News. Et c'est tout pour Television. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Donc, commençons par le Québec, bien sûr, avec les positions à 10 à 6 en rafale. Donc, non, 15 à 6, pardon. Les pêcheurs, le tricheur, les enfants de la télé, LOL, les dieux de la danse, vlog, mémoire vive, tout le monde en parle, au secours de Béatrice et O. En cinquième, c'est Yamaska. En quatrième, Boomerang. En troisième, pour Sarah. En deuxième, Le Banquier. En première place, avec 1 999 000. C'est presque 2 millions. Et quand on parle de code d'écoute, c'est sûrement genre 3 personnes qui valent le 1000 personnes qu'il manque. Donc, unité 9. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, The Amazing Race, Gotham, How to Get Away with Murder, Blue Bloods, Code Black, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., The Blacklist, The Flash, Quantico et Criminal Minds. En 5e, NCIS New Orleans. En 4e, Supergirl. En 3e, Survivor Cambodia. En 2e, NCIS. Et en 1ère, c'est avec 2 666 000, The Big Bang Theory. Voilà pour les codes d'écoute et pour Television Television. On est rendu à écouter notre pièce de chiptune, bien évidemment. On s'en va entendre une pièce de Mibri. Mibri, voici Longshore Zone 3 MPS, le Mathieu Planche Show. Ah, c'est fou. 89 FM. Ah, je l'aime bien, celle-là, c'est vrai, bonne. Ah oui. Moi, je la trouve bien, bien bonne. Elle était un petit peu agressante par moment. Un petit peu redondante. Mibri avec Longshore Zone 3 au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons par les yeux. Hein, contre la cataracte, bientôt un simple collyre, le composé 29. Qu'est-ce que ça veut dire, un collyre qui pourrait traiter la cataracte par de simples gouttes dans l'œil? Le composé 29 a en effet obtenu des résultats encourageants chez un modèle de souris. Il agit en limitant l'agrégation des protéines cristallines de l'œil. La cataracte représente la principale cause de cécité dans le monde, causée par la perte de transparence du cristallin au cours du vieillissement. Elle affecterait plus de 20 millions de personnes. Elle peut se traiter par une chirurgie, par remplacement du cristallin, mais cette approche est coûteuse. De nombreuses personnes dans le monde restent aveugles par absence de traitement. Tout comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, la cataracte est une maladie caractérisée par le mauvais repliement et l'agglutinement de protéines. Dans le cas de la cataracte, il s'agit de cristallines, des cellules qui forment le cristallin de l'œil. Ces cellules fibreuses sont particulières, comme on l'explique ici en citant un docteur qui s'appelle Jason Jeswicki. Peu de temps après la naissance, toutes les cellules fibreuses de l'œil perdent la capacité à faire de nouvelles protéines ou à jeter les vieilles protéines. Donc, les cristallines que vous avez dans votre œil adulte sont les mêmes que celles avec lesquelles vous êtes né. Pour que le cristallin fonctionne bien, le réservoir de cristalline doit conserver la transparence des cellules fibreuses. Des protéines chaperons permettent aux cristallines de rester solubles pour jouer leur rôle, mais les configurations pathologiques avec des cristallines agglutinées sont bien plus stables qu'un repliement normal. Les protéines chaperons doivent donc constamment résister à la tendance des cristallines à s'agglomérer. C'est le même genre de processus qui est en jeu dans d'autres maladies liées au vieillissement comme l'Alzheimer. Mais avec d'autres protéines et dans un autre organe, les protéines agglomérées sont appelées des amyloïdes. Dans une nouvelle étude de la UC San Francisco, de l'Université du Michigan et de l'Université de Washington, de l'Université Washington à St. Louis, parue dans Science, des scientifiques ont cherché un composé soluble qui pourrait servir de traitement à la cataracte. Pour ce faire, ils ont utilisé une différence importante entre les cristallines correctement repliées et leur forme amyloïde, leur point de fusion qu'on appelle. Ils ont employé une méthode de fluorimétrie dans laquelle les protéines émettent de la lumière quand elles atteignent leur point de fusion. L'équipe a cherché des molécules qui abaissaient le point de fusion des amyloïdes. Récemment, une molécule, le lanostérol, a été identifié comme capable d'inverser la cataracte, ce qui en a fait l'objet d'une publication dans Nature. Mais le lanostérol est peu soluble, il fallait l'injecter dans l'œil pour qu'il ait des effets. En utilisant le lanostérol et d'autres stérols, les chercheurs ont assemblé et testé 32 stérols. L'un d'entre eux, appelé composé 29, était le meilleur candidat soluble pour être utilisé dans des gouttes ophtalmiques. Les molécules identifiées se liaient aux alpha-cristallines, CRIA et CRIA-B, et inversaient leur agrégation in vitro. Dans des tests in vitro, les chercheurs ont confirmé que le composé 29 stabilisait les cristallines et les empêchait de former des amyloïdes. Ils ont aussi trouvé que le composé pouvait dissoudre des amyloïdes déjà formés. L'équipe a déjà testé le composé dans une formulation sous forme de gouttes pour les yeux chez un modèle de souris pour la cataracte. Les gouttes resteraient partiellement la transparence des cristallins. Des résultats similaires ont été obtenus avec des gouttes du composé 29 appliquées sur des tissus humains de cristallins touchés par la cataracte. La substance identifiée s'apparente donc à un chaperon pharmacologique qui restaure partiellement la transparence du cristallin. Et ces travaux suggèrent que les approches thérapeutiques visant à stabiliser les alpha-cristallines pourraient traiter la cataracte. C'est vraiment génial comme nouvelle de pouvoir se débarrasser de cataracte par des gouttes. C'est un miracle, certains diraient. C'est génial. Ensuite, les horaires décalés perturberaient la santé. Tous les animaux, humains comme rongeurs, présentent des activités biologiques périodiques et prévisibles. Une altération de ces rythmes ou désynchronisation circadienne est maintenant identifiée comme une condition à caractère pathogène, mais dont les mécanismes physiopathologiques restent mal connus. Des chercheurs révèlent que 3 mois consécutifs de perturbation des cycles jour-nuit suffisent pour induire un vieillissement cellulaire prématuré et un état prédiabétique chez un rongeur diurne. Le travail posté ou des voyages aériens longs et fréquents sont des conditions socio-professionnelles devenues fréquentes. Ces situations provoquent des expositions à la lumière pendant la période habituelle de repos, ainsi que des horaires de sommeil et de repas irréguliers. De nombreuses études épidémiologiques montrent que de telles conditions de désynchronisation circadienne favorisent l'apparition de troubles métaboliques tels que le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Chez les rongeurs nocturnes, l'altération expérimentale des rythmes circadiens a été souvent associée à une adiposité augmentée, une intolérance au glucose et une diminution de la réponse immunitaire. Cette observation est intrigante car ces mêmes symptômes sont typiquement observés lors du vieillissement biologique. En effet, les perturbations circadiennes à long terme ou des déficiences génétiques affectant les horloges circadiennes conduisent à une espérance de vie raccourcie des rongeurs. Ces observations suggèrent que la désynchronisation des horloges circadiennes pourrait accélérer les mécanismes de vieillissement qui, à leur tour, participeraient à l'apparition de troubles métaboliques. Pour tester cette hypothèse, une équipe de l'Institut de neurosciences cellulaires et intégratives a choisi d'étudier le rat roussard, qu'on appelle Arvicantis, en collaboration avec une équipe d'écologistes de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, spécialisé dans l'étude de la diversité et de l'évolution des longévités animales. Ce rongeur diurne est élevé au Chronobiotron de Strasbourg, une plateforme d'expérimentation animale spécialisée dans l'étude des rythmes biologiques. L'intérêt expérimental du rat roussard réside dans le fait que les rongeurs diurnes actifs durant la journée comme les humains sont de meilleurs modèles d'animaux que les rongeurs nocturnes qui sont habituellement utilisés pour étudier les liens entre pathologie humaine et rythme circadien. Les équipes strasbourgeoises démontrent qu'un décalage horaire chronique, comme la modification bi-hebdomadaire des cycles lumière-obscurité pendant 3 mois consécutifs seulement, provoque à la fois un état prédiabétique, donc l'intolérance au glucose, et des changements cellulaires normalement observés au cours du vieillissement biologique. Plus particulièrement, il s'agit d'un raccourcissement précoce de la longueur d'une séquence spécifique de l'ADN située au niveau des télomères, qui protège les extrémités non codantes des chromosomes et qui se sont perdues progressivement avec l'âge. Autrement dit, ces résultats révèlent que la désynchronisation circadienne entraîne un vieillissement cellulaire prématuré. Là, on comprend que cette phrase-là, moi, je suis rendu à comprendre. Parmi les pistes mécanistiques étudiées, le raccourcissement des télomères chez les animaux désynchronisés ne semble pas attribuable à une augmentation du stress oxydatif. En revanche, l'expression du sirtuine, une enzyme impliquée dans de nombreux processus intracellulaires et qui possède le double rôle d'interagir avec les horloges circadiennes moléculaires et de protéger les télomères, est réduite. Ainsi, donc, pour réduire ça à mon niveau, donc chez les animaux jeunes soumis à la désynchronisation circadienne expérimentale, donc de varier la présence du soleil et de la nuit, donc ça, c'est présent à un niveau intermédiaire entre les animaux jeunes et les animaux âgés non désynchronisés. La diminution de l'expression du SIRT1, fournit donc une première explication plausible du raccourcissement accéléré des télomères chez les animaux désynchronisés. Des recherches complémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre la nature exacte des mécanismes mis en jeu, mais ces travaux publiés dans la revue Facet Journal ouvrent maintenant la voie à une étude approfondie des acteurs cellulaires et moléculaires impliqués dans l'impact de la désynchronisation circadienne sur le vieillissement. Ils soulignent également la nécessité de développer des traitements préventifs chez les personnes sujets à des désynchronisations chroniques des rythmes circadiens. C'est dur à dire rythme circadien, pardonnez-moi, quand même. Ensuite, le cerveau serait-il miroir de notre assiette? Un article du Soleil. L'Université Laval et l'Université de Bordeaux se sont associés pour mettre sur pied un tout nouveau laboratoire international dans le domaine de la nutrition et de la santé du cerveau. Le laboratoire international associé OptiNutriBrain, les Français donc aiment les anglicismes, on sait, Brain, ça fait pas mal plus international, disent-ils au Soleil. Ça permettrait notamment de documenter l'effet de la nutrition sur le cerveau à toutes les étapes de la vie et à prévenir ou à corriger les pathologies neuropsychiatriques ou neurodégénératives. Je cite, « Le cerveau est une image miroir de ce qu'il y a dans notre assiette », a résumé en conférence de presse le co-directeur du nouveau laboratoire, Frédéric Calon, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. La création d'un tel laboratoire est d'autant plus opportune que la population vieillit. Le Québec est la deuxième société la plus âgée au monde après le Japon. Que les maladies du système nerveux central touchent une personne sur trois et représentent 14% de la charge socio-économique au Canada et en France. Que la dépression est la principale cause de handicap dans le monde et que le coût social de l'Alzheimer bondira à 1117 milliards d'ici 2030. Wow! Les recherches précédentes du professeur Calon ont notamment confirmé les effets bénéfiques des oméga-3 sur les symptômes de l'Alzheimer, du Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, alors que la co-directrice du laboratoire, la neurobiologiste française Sophie Laye, est reconnue pour ses travaux portant sur le lien entre la nutrition, le fonctionnement cérébral et le comportement. Les recherches de OptiNutriBrain couvriront les effets de la nutrition à tous les âges de la vie, depuis le développement cérébral de l'enfant jusqu'aux maladies neurodégénératives liées au vieillissement. Le laboratoire s'intéressera plus particulièrement à la façon dont une alimentation déficiente durant l'enfance peut affecter la santé cérébrale à long terme et à la réversibilité de ses effets par une approche nutritionnelle adaptée. Les conséquences d'une alimentation déséquilibrée sur le développement de différentes maladies psychiatriques et neurodégénératives seront également étudiées afin, là aussi, de développer des stratégies nutritionnelles préventives ou correctrices. Voilà. Parmi les différentes molécules que les chercheurs peuvent étudier, Outre les acides gras polyinsaturés, donc comme les oméga 3 et oméga 6, les polyphénols qu'on retrouve notamment dans les petits fruits, les acides aminés ramifiés qui composent certains compléments alimentaires destinés à stimuler la production de protéines et à procurer une source d'énergie dans les muscles, les prébiotiques et les probiotiques ou les bonnes bactéries, de même que certaines vitamines dont la A qu'on trouve dans certains abats de viande et dans les carottes par exemple et qui pourraient ralentir le déclin cognitif. Une alimentation saine et équilibrée restera toujours le meilleur moyen de profiter de ces nutriments, souligne le professeur Calon, qui ne rejette pas pour autant les suppléments alimentaires. Je cite, « C'est sûr que de prendre des vitamines après avoir mangé du McDo, ce n'est pas la bonne attitude à prendre, mais dans certaines circonstances, les suppléments peuvent être utiles. » Un petit NutriBrain sera notamment financé par les entreprises du secteur de la nutrition. L'Université Laval et l'Université de Bordeaux, qui collaborent depuis bientôt 10 ans, ont par ailleurs d'autres projets de laboratoire dans d'autres disciplines, a-t-on indiqué. Et finalement, la méditation en pleine conscience est plus efficace qu'un placebo pour réduire la douleur. Des IRM ont montré qu'elle active des ondes du cerveau impliquées dans le contrôle de la douleur et qu'elle agit différemment qu'un placebo. La méditation peut s'inscrire dans une démarche spirituelle, mais elle gagne aussi de plus en plus d'intérêt dans le domaine de la santé et notamment dans le cadre de la gestion de la douleur. Pour savoir si la méditation de pleine conscience peut jouer le même rôle qu'un placebo, des chercheurs ont utilisé deux approches, l'auto-évaluation de la douleur et l'imagerie médicale. Cette recherche à paraître dans Journal of Neurology a été réalisée par le Wake Forest Baptist Medical Center. 75 personnes en bonne santé y ont participé. La douleur étudiée a été provoquée par une sonde thermique qui chauffait une petite zone de la peau à 49 degrés Celsius, une température généralement considérée comme douloureuse. Les participants ont noté l'intensité de la douleur, la sensation physique et l'aspect déplaisant de cette douleur, donc la réponse émotionnelle. Les cerveaux de participants ont été soumis à une IRM avec un marquage de spin artériel. Puis les participants ont été répartis en quatre groupes qui ont subi différentes interventions pendant quatre jours. Un premier groupe a testé l'effet d'une crème placebo présentée comme analgésique. Pendant quatre jours, les participants devaient en étaler sur leurs jambes et tester la sonde chaude. Un autre groupe a fait une fausse expérience de méditation, ou ce qu'on appelle une méditation placebo. Ils devaient respirer profondément pendant 20 secondes, mais sans être incité à faire cet exercice en pleine conscience. Un groupe témoin devait écouter un enregistrement de livre très ennuyeux pendant 20 minutes. Enfin, un groupe devait méditer en pleine conscience, c'est-à-dire qu'ils devaient rester assis pendant 20 minutes, fermer leurs yeux et écouter les instructions pour concentrer leur attention sur leurs sensations. Après ces interventions, les participants ont à nouveau passé une IRM avec une expérience douloureuse et devaient utiliser leur entraînement, donc la respiration profonde, la méditation de pleine conscience. Il y a eu une diminution de la douleur dans tous les groupes, mais le groupe de méditation en pleine conscience a eu la plus forte diminution, 27% pour l'intensité de la douleur et 44% pour l'aspect émotionnel de la douleur. Par comparaison, la crème placebo a réduit la sensation de douleur de 11% et l'aspect émotionnel de la douleur 13%. Le groupe qui a suivi une méditation placebo avait une faible réduction de l'intensité de la douleur, donc de 9%, et de son caractère désagréable à 24%. La méditation placebo pourrait réduire la douleur simplement par l'effet relaxant lié à une respiration plus lente. De plus, la méditation de pleine conscience a réduit la douleur en activant des régions du cerveau associées avec le contrôle de la douleur, le cortex orbitofrontal et cingulaire antérieur. En revanche, la crème placebo réduisait la douleur en limitant l'activité cérébrale dans d'autres aires liées à la douleur, comme le cortex somatosensoriel secondaire. Cela signifie que la méditation de pleine conscience n'induisait pas la même activité cérébrale que la crème placebo. De même, une autre région du cerveau, le thalamus, a été désactivée pendant la méditation de pleine conscience, mais était activée dans les autres conditions. Or, cette région du cerveau sert de porte d'entrée aux informations sensorielles avant d'atteindre les centres cérébraux supérieurs. En désactivant cette aire, la méditation de pleine conscience pourrait donc avoir induit une disparition des signaux douleurs dans le cerveau. Ceci suggère que la méditation en pleine conscience pourrait améliorer le traitement de la douleur. Cependant, ces résultats obtenus sur des volontaires en bonne santé ne peuvent pas être extrapolés pour l'instant à des patients souffrant de douleurs chroniques. Tout ça m'intrigue beaucoup, donc les articles sont sur assemblagerequis.com. Allez les lire pour vous les remettre en oreille et pour peut-être les saisir si ça vous a échappé la première fois. Voilà pour Merci Science. Vous pouvez, est-ce que j'ai dit l'adresse assemblagerequis.com? Je ne suis pas certain. Je m'écoute pas parler quand je dis le site web, c'est rendu un automatisme. On s'en va entendre du chiptune. Tout à l'heure, on aura la chronique Le Segment Geek CNX. On a aussi notre série musicale, mais avant ça, on écoute Quavosh avec Pixel Jumper Tropical Theme 1 MPS, le Mathieu Plante Show au 89 FM, c'est fou. We'll be right back. ou en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes assez fait. 89. Boss Blanchy Manta Ray. Pour Mathieu Plancho, avant ça, avant la pause, enfin, on a entendu quoi, vache? Pixel Jumper Tropical Theme 1. Voilà, pour Mathieu Plancho. Maintenant, c'est le segment Geek Scenics. Geek.com. Cédric, c'est le bloc où on parle de technologie, de jeux vidéo, d'informatique, dans Mathieu Plancho, bien sûr. Commençons avec un serpent, un robot serpent en fait, qui se mue en n'importe quoi. Au Media Lab du MIT, une équipe a imaginé un concept d'interface de communication robotisée qui prend l'aspect d'un serpent robotisé. Baptisé Lineform, cet étrange objet peut se transformer tour à tour en téléphone, en montre connectée, en lampe de bureau, en règle ou en câble de transfert de données. Une réflexion innovante et originale sur l'ergonomie et le concept d'appareil tout en un. Tout commence avec une sorte de gros cordon en tissu noir d'aspect anodin, nous dit Futura Science, mais lorsque l'on pose le bras dessus, il s'enroule présentement. Prestement, oui, autour du poignet et devient un étonnant bracelet connecté. Si par exemple une notification arrive, comme un courriel ou un SMS, l'une des extrémités du cordon se redresse et se met à tapoter sur le poignet pour avertir l'utilisateur. Si ce dernier veut prendre ou passer un appel, il détache le bracelet qui prend alors la forme d'un combiné téléphonique, l'équivalent d'un assistant vocal mais en version physique. Il ne s'agit pas du dernier gadget à la mode à mettre sous le sapin de Noël, mais d'une étude de concept menée au Media Lab du Massachusetts Institute of Technology. Une équipe du groupe Tangible Media vient de présenter son projet baptisé Lineform lors de la User Interface Software and Technology 2015, un symposium consacré aux travaux sur les interfaces homme-machine. Lineform est constitué d'une douzaine de petits servomoteurs articulés entre eux et contrôlés via un Arduino Mega. Il est recouvert d'un revêtement élastane qui intègre des capteurs tactiles. Le Media Lab s'est penché sur divers exemples d'applications envisageables afin d'explorer les possibilités qu'offrirait ce type d'interface. Outre le concept de bracelet vivant qui se transforme en téléphone, les chercheurs ont imaginé un câble intelligent qui adapte ses fonctionnalités selon ce à quoi il est branché. Par exemple, connecté entre deux ordinateurs, Lineform devient un câble de transfert de données qui se met à onduler pour matérialiser le flux d'informations qui circule. Branché à un module externe pourvu d'une ampoule, le serpent se métamorphose en lampe de bureau, l'une de ses sections faisant office de variateur de lumière. D'autres démonstrations montrent comment le robot peut devenir une règle qui s'adapte pour tracer toutes sortes de formes ou comme on peut l'utiliser pour créer des figures géométriques qui sont directement enregistrées par un ordinateur. Autre exemple, Lineform pourrait enregistrer une combinaison de mouvements pour servir de guide. Un entraîneur pourrait apprendre des gestes au robot qui, une fois enroulé autour du bras de la personne, fonctionnerait comme un exosquelette en guidant ses mouvements. Il faut imaginer que ce type de technologie pourrait être miniaturisé pour venir se marier avec des écrans souples ou d'autres matériaux qui serviraient à créer des objets usuels capables de se transformer pour répondre à différents usages. Et tel quel, le concept Lineform n'a rien d'ergonomique ni de pratique, mais il faut avouer que ce prototype est bien étonnant. Et il y a une vidéo sur assemblagerequis.com de Tangible Media Group vous montrant comment le Lineform fonctionne. Sur l'île de la Réunion, un système de stockage d'électricité dans des batteries permet de lisser la production des énergies renouvelables, solaires mais aussi éoliennes, en anticipant les caprices de la météo sur un territoire encore très dépendant des énergies fossiles et où le climat est ensoleillé mais changeant. Cette technologie montre tout son potentiel. Confronté à l'isolement et à la croissance de ses besoins en énergie, principalement couverts par les importations de produits fossiles, l'île de la Réunion, au milieu de l'océan Indien, cherche depuis plusieurs années à optimiser l'exploitation du soleil, du vent, de la mer, de la géothermie et de la biomasse. À la bagasse, donc les déchets agricoles issus de la culture de la canne à sucre, j'ai vraiment de la misère à lire aujourd'hui, utilisée comme combustible pour des centrales thermiques, s'ajoutera peut-être l'énergie thermique des mers qui exploite la différence de température entre les eaux de surface élevées dans ce climat tropical et celle des profondeurs vers 1000 mètres. Sur cette île vantée et ensoleillée, les éoliennes et les fermes photovoltaïques ont commencé à pousser, avec notamment la grande centrale solaire de Saint-Denis de la Réunion. Mais ces énergies renouvelables sont par essence intermittentes et tout particulièrement à la Réunion, où la météo est capricieuse, changeant rapidement dans le temps et dans l'espace. Entre la côte et les montagnes, entre l'ouest et l'est, voire entre le cirque de Mafate et celui de Tilaos, où poussent de fameuses lentilles grâce à un climat frais, le temps peut être très différent. Et à un même endroit, le ciel bleu du matin peut céder la place à midi à une bruine apparemment tenace, mais reprendre ses droits dans l'après-midi, à l'issue duquel une longue averse n'interdira pas l'espoir d'un superbe coucher de soleil. Ces phrases sont beaucoup trop poétiques et beaucoup trop polisibles. Les panneaux solaires auront donc une production erratique, une solution et le stockage dans des batteries au lithium-ion durant les moments de surproduction. L'électricité générée par la ferme photovoltaïque ou le parc éolien est restituée quand la demande devient supérieure à l'offre. Ce stockage ici est qualifié d'intelligent car il est piloté par un système informatique relié à une station météorologique capable d'estimer les variations de luminosité et de vent jusqu'à un horizon de 24 heures. Il est possible aussi d'atténuer en les anticipant les pics et les crues de la production. Cette solution qui compense l'intermittence du photovoltaïque et de l'éolien est emblématique des progrès en cours dans l'utilisation des énergies renouvelables, particulièrement adaptées à une île isolée. Elle peut en effet inspirer des dispositifs utilisables en milieu continental. Thales Alenia Space s'essaie à la fabrication de pièces imprimées en 3D. Deux satellites de télécommunication embarqueront les plus grandes pièces jamais réalisées en Europe en fabrication additive. La personne en charge de cette technologie, Florence Montredon, explique l'innovation. L'impression 3D s'imposera sans doute progressivement sur les marchés de niche liés à la production de pièces uniques à forte valeur ajoutée, voire en très petite série. Ce sur-mesure colle parfaitement aux besoins de l'industrie spatiale. Donc, Thales Alenia Space a récemment annoncé que les satellites de télécommunication Coreasat 5A et Coreasat 7, en cours de fabrication, embarqueront les plus grandes pièces pour le spatial jamais réalisées en Europe en fabrication additive à lit de poudre. Il s'agit des supports d'antennes TMTC en aluminium, pièces jumelles qui ont été fabriquées dans un même lot par la même machine. Un support d'antenne de ce type est d'ores et déjà en orbite depuis avril 2015 à bord du satellite de télécommunication Turkmen Alm et le satellite Arabsat 6B lancé depuis Kourou mardi le 10 novembre 2015. Donc ça emportera également des tripodes issus de la technologie 3D. D'autres pièces imprimées sont prévues, en particulier sur chacun des satellites de communication que nous avons actuellement en phase de design. Ce sont principalement des pièces d'interface, typiquement des supports d'antennes et ou des ferrures de réflecteurs en aluminium ou en titane. À l'avenir, TAS envisage d'utiliser de façon régulière cette technologie. D'ailleurs, les cas d'application se multiplient et les premières expériences pour le vol réussi permettent de généraliser cette technologie sur des pièces où elle réduit le coût, le délai et la masse. La fabrication additive est la technologie rêvée pour le secteur spatial car elle est faite pour la réalisation de pièces en petite série, voire unique. La fabrication additive imprime tout aussi facilement une pièce basique qu'une pièce avec des courbes, des alvéoles ou des cavités. De plus, le résultat est plus léger alors que le secteur spatial est friand de réduction de poids car le kilogramme coûte cher au lancement. Sentir l'impact d'une balle de baseball sur une batte, le rebond du ballon de football que l'on jongle du pied ou les coups de poing durant un combat de boxe en réalité virtuelle, voilà ce que peut faire Impacto, un système créé par des chercheurs en Allemagne. Il combine le retour haptique avec de l'électrostimulation musculaire pour créer la sensation de contact corrélée à un geste afin de rendre la réalité virtuelle encore plus immersive. La réalité virtuelle est l'un des thèmes à la mode. Après des années de tâtonnement et de promesses sans lendemain, le marché semble prêt à décoller avec l'arrivée de produits grand public plus abordables qui commencent à proposer des applications variables et pas uniquement centrées sur les jeux vidéo. Google et Samsung ont ouvert la voie avec leur système d'adaptateurs pour smartphones nommé Cardboard et Gear VR. L'année prochaine, les choses devraient vraiment changer avec l'arrivée des casques de réalité virtuelle Oculus Rift, qui est propriété de Facebook, PlayStation VR de Sony ou encore Vive de HTC. Équipés de capteurs de mouvement de tête, ils vont offrir une sensation d'immersion beaucoup plus intense. Cependant, cette quête d'une réalité virtuelle plus réaliste se heurte encore à la difficulté de restituer le sens du toucher. Il existe déjà quelques expérimentations dans ce domaine, comme celle menée au Japon par Miresense avec sa technologie 3D haptique pour rendre palpable un objet virtuel. En Allemagne, des chercheurs du laboratoire d'interaction Home Machine, de l'Institut Hasso-Plattner, ont poussé le concept un peu plus en avant. Avec leur dispositif nommé Impacto, ils ont mis au point un système qui permet de ressentir des effets physiques dans la réalité virtuelle. Par exemple, dans une simulation de boxe, le joueur va sentir l'impact du coup de poing sur son bras lorsqu'il tient la garde. Pour obtenir ce résultat, Impacto décompose le stimulus en sollicitant d'une part la peau via un effet haptique et d'autre part les muscles avec l'électrostimulation qui va provoquer une contraction. L'équipement comprend un bracelet porté sur l'avant-bras qui transmet des vibrations ou des à-coups, donc des petits coups, des timbres d'électrostimulation placés au niveau des biceps afin de provoquer une contraction. L'ensemble est synchronisé par un algorithme qui va corréler l'action virtuelle et sa traduction en effet physique. Une autre démonstration met en scène un jeu de baseball dans lequel le joueur ressent l'impact de la balle sur sa batte. J'ai toujours l'impression que c'est pas sa batte, c'est comme son batte. Il me semble au Québec, je sais pas. Je m'en fous. Le système peut également être porté au niveau des jambes et restituer le contact d'un ballon de football lorsqu'on jongle du pied. Actuellement, Impacto fonctionne avec un impact égal ou supérieur à 200 millisecondes, mais ses concepteurs travaillent à créer un effet plus prolongé, par exemple pour rendre les secousses et vibrations que l'on éprouve dans un jeu de course automobile lorsque le bolide vient frotter une glissière. Leur idée est qu'il faut accompagner la démocratisation de la réalité virtuelle en étoffant les technologies sensorielles complémentaires qui la rendront encore plus immersive. Mais pour l'instant, c'est seulement une preuve de concept qui vise d'abord à démontrer qu'une technologie sensorielle relativement peu encombrante peut contribuer à rendre la réalité virtuelle encore plus prenante. Par ailleurs, les composants employés sont courants et existent sous différentes formes et tailles. Avec un travail sur le design, la miniaturisation et l'intensité, il est envisageable qu'un tel système puisse être intégré à des vêtements afin de diffuser les retours d'effets sur le corps. Aujourd'hui, une console de jeu s'achète avec des accessoires comme manette, volant et pistolet, alors pourquoi ne pas imaginer que les casques de réalité virtuelle puissent un jour être vendus avec des gants, des chemises, des pantalons ou des combinaisons à retour d'effet. En effet, ça a l'air vraiment le fun à essayer. Je l'essaierai n'importe quand. Pour vivre plus heureux, il faudrait vivre sans Facebook. Vie sociale bancale, manque de concentration, tout cela pourrait être la faute de Facebook si l'on en croit une étude danoise qui révèle que des personnes ayant vécu une semaine sans utiliser le réseau social seraient plus heureuses que les autres. Je cite, « Nous avons choisi Facebook car c'est le réseau social le plus utilisé à tous les âges. » Alors, on a réalisé une étude sur un échantillon de 1095 personnes au Danemark. Ces personnes ont été divisées en deux groupes. La moitié continuait d'utiliser Facebook et l'autre s'abstenait au sein d'un groupe dit de traitement. Après une semaine, les personnes qui n'avaient pas utilisé Facebook ne se disaient plus satisfaites de leur vie. 88% d'entre elles se sont dites heureuses contre 81% de l'autre groupe. 84% ont déclaré apprécier la vie contre 75% et seuls 12% s'en disaient mécontentes contre 20% parmi les personnes connectées au réseau social. À la fin de l'expérience, les membres du groupe de traitement estimaient avoir eu une vie sociale plus riche et moins de difficultés à se concentrer, alors que chez les autres, ces difficultés restaient les mêmes. Si l'on en croit plusieurs sondages, les Danois seraient l'un des peuples les plus heureux du monde. Je cite ici, au lieu de se concentrer sur ce dont nous avons besoin, nous avons une tendance malheureuse à nous concentrer sur ce que les autres ont. C'est les auteurs de l'étude. Or, sur Facebook, les gens ont 39% de risque de se sentir moins heureux que leurs amis. Ça fait plusieurs mois que je vais presque jamais sur Facebook et en effet, je m'en porte pas mal moins stressé, pas mal plus heureux. Le téléphone fixe perd du terrain mais reste le principal mode de communication, nous dit la presse canadienne. Même s'il est en perte de vitesse, le téléphone fixe demeure le mode de communication le plus utilisé par les adultes québécois, mais pas pour la tranche d'âge des 18-44 ans qui emploie majoritairement le téléphone cellulaire et l'Internet pour communiquer. C'est ce que révèle l'étude Net Tendance du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations qu'on appelle le CEFRIO, qui dresse un portrait des modes de communication utilisés par les Québécois en 2015. Les jours du téléphone fixe ne sont pas encore comptés, mais il a perdu beaucoup de terrain en l'espace de seulement 3 ans. Le téléphone fixe demeure le principal outil de communication pour 76,4% des Québécois âgés de 18 ans et plus en 2015. En 2012, cette proportion était nettement plus élevée à 87,8%. Les communications par téléphone cellulaire et par Internet atteignent par contre un nouveau sommet en étant utilisées par près de 70% des adultes québécois. Le téléphone fixe a toutefois été délaissé par les adultes de 18 à 44 ans et il est utilisé par seulement 2 adultes sur 3, 66,3% appartenant à ce groupe d'âge. Les 18-44 ans privilégient l'utilisation de téléphones mobiles, que ce soit les appels ou les messages textes, à hauteur de 82,8%, et les outils disponibles sur Internet tels que les courriels, les messageries des réseaux sociaux et les vidéoconférences dans une proportion de 82,6%. La situation est tout autre pour les Québécois âgés de 45 ans et plus. Environ 84% d'entre eux continuent d'utiliser le téléphone fixe. Une proportion de 58,8% emploie en premier recours le téléphone cellulaire et les messageries sur Internet sont le principal mode de communication pour 57,9% d'entre eux. C'est à Montréal que le cellulaire est le plus populaire avec un taux d'utilisation de 75,8% comparativement à la moyenne provinciale de 69,2%. L'emploi du téléphone mobile est moins répandu dans le centre du Québec à 53,4% et dans l'est de la province à 62%. Lorsqu'ils communiquent par écrit, les Québécois de 18 à 34 ans se dirigent principalement vers les messageries des réseaux sociaux à 77,1% plutôt que vers le courriel à 52,5%. Cette tendance est inversée chez les 35 ans et plus qui privilégient le courriel à 54,8% plutôt que l'échange de messages sur les réseaux sociaux à 37,1%. Allons-y avec le British Museum qui met ses collections en ligne. Le British Museum a annoncé la mise en ligne des photographies de 4500 objets de ses collections en partenariat avec Google Cultural Institute, le site du géant américain de l'Internet consacré à la mise en valeur des biens culturels. La page d'accueil dédiée au célèbre musée londonien g.co/British Museum s'ouvre sur deux expositions en cours consacrées à l'histoire des religions dans l'Égypte post-pharaonique et à la culture celte et permet de naviguer entre les différents objets et manuscrits. Il devient ainsi possible de parcourir virtuellement les galeries grâce à une technologie innovante, plaçant à l'instar de Google Street View les internautes au cœur du musée. Je vous invite à aller voir ça. À la page d'accueil du site est sur images au pluriel tradeunionart.fr qui présente sous la forme d'un mur d'images sans cesse renouvelé. On va prendre une pause ici, on va aller entendre d'autres chiptunes pour revenir après la pause avec un deuxième bloc de CNX. Pour l'instant, je vous suggère d'aller entendre une pièce. Où étions-nous rendus déjà? On était rendu à Voodoo Lions Hip Hop Remix of Music from Legend of Zelda Link to the Past. On a parlé de Majora's Mask et Ocarina of Time tout à l'heure avec Samuel Girard en début d'émission. Donc on va aller entendre Storm the Castle par Voodoo Lion, comme je disais, un remix de la musique du jeu sur Super Nintendo Legend of Zelda Link to the Past. Storm the Castle, tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. Trop de fun! no escaping. Once my blade starts scraping, one of the MCs shaking. My sword indeed make more of you bleed so swift. Second eye couldn't be caught in speed. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Nino et la pièce Wave Racer 1080, évidemment basée sur le jeu vidéo sur Nintendo 64 Wave Racer, vous l'aurez compris par le titre. Donc Wave Racer, le jeu sur Nintendo 64 c'est Wave Race. C'est moi-même qui me suis trompé ici. Wave Race c'était le jeu sur Nintendo 64. Bref, on était dans Scenix et on y retourne. Hein. Cédric, c'est le segment geek où on parle de jeux vidéo, d'informatique et de technologie. Allons-y avec, tiens, la fin d'une époque, Sony qui enterre définitivement les cassettes Betamax. Oui, ça existait encore, la production de ça. On les croyait morts depuis longtemps, mais non, le géant de l'électronique Sony a annoncé la semaine dernière la fin de la vente des cassettes vidéo Betamax pour le grand public. Un épilogue symbolique pour un produit né en 75 et rapidement détrôné par le format VHS. Sony va donc cesser la livraison des cassettes Betamax en mars 2016, voire plus tôt si les stocks s'épuisent avant, a déclaré le groupe. Il avait déjà arrêté de les fabriquer depuis un certain temps, mais continuait à fournir les inconditionnels avec les quantités restantes. Quant aux magnétoscopes, les derniers sont sortis d'usine en 2002 après s'être vendus à plus de 18 millions d'unités. Sony poursuit en revanche son activité pour le secteur professionnel, où les variantes Betacam sont encore utilisées, a précisé quand même la compagnie. Les produits Betamax avaient vu le jour il y a exactement 40 ans pour enregistrer des émissions et des films à la télé. Ils ont atteint le sommet de leur popularité en 84 quand quelques 50 millions de cassettes ont été écoulées, selon Sony, qui ne fournit pas de chiffres sur les ventes totales depuis le lancement. Cependant, le format initialement soutenu par Toshiba et d'autres firmes électroniques a vite perdu la bataille face au VHS développé par un autre fabricant japonais, JVC. Si la qualité du Betamax était initialement jugée supérieure par les spécialistes, la VHS avait l'avantage de proposer une durée d'enregistrement plus longue à des tarifs plus abordables. Depuis, l'analogique a été supplantée par le numérique et le VHS a cédé sa place au DVD puis au Blu-ray, Sony prenant sa revanche avec ce standard mondial de la dernière génération après l'abandon en 2008 par Toshiba du format concurrent HD-DVD. On reste dans le rétro un petit peu, la Nintendo PlayStation qui est bel et bien fonctionnelle. Oui, vous avez bien compris. Le mystérieux prototype de la Nintendo PlayStation qui a fait surface sur la toile en juillet dernier a été testé récemment par Engadget et il est possible d'y jouer des jeux Super Nintendo. Fasciné par la première preuve tangible de l'une des plus incroyables légendes de l'industrie du jeu vidéo, le journaliste Richard Lay a eu l'occasion de s'entretenir avec Shuhei Yoshida, président de Worldwide Studios de chez Sony, afin de lui poser quelques questions sur la découverte. La vidéo est sur assemblagerequis.com. Sans surprise, l'homme d'affaires n'a pas voulu confirmer ni infirmer que le prototype en question était authentique. Je cite, « Ça fait si longtemps, alors ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. La prochaine étape était alors d'entrer en contact avec le responsable de la publication qui a fait le tour du web, Dan Diebold. » Pour faire une histoire courte, Terry, le père de Dan, a acquis la console d'un ancien employé de Nintendo avec qui il travaillait au sein d'une autre entreprise qui a fait faillite il y a de cela quelques années. Au moment de publier les clichés du prototype, Dan n'a pas osé tester la console de peur d'employer un bloc d'alimentation avec une charge électrique pouvant endommager l'appareil. Une rencontre avec les Diebold et Lay, a été organisée à Hong Kong, où l'équipe a pu mettre la main sur un bloc d'alimentation compatible avec la Nintendo PlayStation. Résultat, la console est fonctionnelle avec les jeux Super Nintendo, plus précisément des jeux Super Famicom au Japon, mais le lecteur CD ne répond pas. Selon Daniel Chung de la boutique spécialisée en console rétro Restart Workshop, le lecteur est pourtant alimenté en courant électrique alors le problème se situe du côté logiciel ou matériel. Chose certaine, aux yeux du technicien, le prototype est authentique. Donc on a vraiment affaire à la vraie affaire, si on veut. Hein? Il y a même un système d'exploitation. On peut pas mettre en doute son authenticité, dit-il. Ce prototype ne peut pas être un faux, affirme cet homme. Pour voir l'entrevue au complet, en anglais, c'est sur Engadget, mais le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. Allons-y j'ai envie de sauter plein de choses pour vous. On va y aller avec des vêtements connectés pour les hôtesses de l'air de chez EasyJet. La compagnie aérienne EasyJet équipera en 2016 ses hôtesses de l'air et ses stewards, donc des hôtes de l'air, de nouveaux uniformes qui ont la particularité d'être dotés de lumières LED et de capteurs. Petit à petit, les objets connectés s'installent dans des endroits parfois inattendus. La preuve avec l'initiative d'EasyJet d'équiper son personnel navigant de vêtements dotés de LED et de capteurs. Une démarche qui coïncide avec les 20 ans de la compagnie aérienne britannique fondée en 1995. Au programme de ce nouvel uniforme, des microphones intégrés qui permettent aux hôtesses et aux stewards de communiquer plus facilement les uns avec les autres, des diodes lumineuses dans le dos qui donnent des informations sur le vol, comme le numéro et la destination, ou encore des systèmes d'éclairage d'urgence situés dans les ourlets des vêtements. Les technologies mises en place sont destinées à renforcer la sécurité aussi bien des passagers que des employés qui sont parfois amenés à devoir manipuler les lampes torches dans des zones sombres de l'avion. Avec les nouveaux uniformes, ils peuvent s'en passer. Une tenue plus particulière destinée aux éventuels problèmes techniques est dotée de caméras embarquées pour envoyer des images aux ingénieurs et techniciens en charge d'effectuer des diagnostics. Des capteurs mesurant la qualité de l'air ou encore un baromètre sont également intégrés. EasyJet commencera à équiper ses employés de ces nouveaux uniformes à partir de début 2016. Voilà. Ensuite, on essaie de faire découvrir le code aux enfants. Le site code.org s'allie avec Disney pour mettre Star Wars au cœur d'une campagne d'apprentissage de la programmation pour les plus jeunes. Tout le monde peut apprendre, c'est le message qui introduit la campagne d'apprentissage dévoilée par le site code.org, un organisme à but non lucratif qui souhaite sensibiliser les plus jeunes aux joies de la programmation. Par l'intermédiaire d'un partenariat avec Disney et Lucasfilms, la plateforme s'apprête à lancer une série de leçons en ligne mettant en scène des personnages de la franchise Star Wars. Je cite Disney et Code.org se sont associés pour offrir gratuitement en ligne des leçons de programmation informatique aux élèves du monde entier. En apprenant à coder leur propre jeu Star Wars à travers Hour of Code, les enfants pourront être fiers des éléments technologiques qu'ils construisent. La série de leçons gratuites sera proposée à partir du 7 décembre prochain dans un total de 400 langues, dont le français. Une leçon d'introduction proposée en anglais annonce la couleur, donc les jeunes élèves pourront apprendre les rudiments du code en compagnie de la princesse Léa et de R2-D2, mais également de Rey et de BB-8 qui sont à l'affiche du prochain Star Wars, l'épisode 7. Consacrée aux enfants âgés de 11 ans et plus, elle propose une petite exploration du JavaScript en scénarisant la progression. Les enfants doivent composer le code lié aux actions demandées via des blocs à glisser sur la page. Chaque leçon est divisée en plusieurs missions et dure environ une heure, d'où le titre du programme « Hour of Code ». La version multilingue est prévue en décembre, pourra être utilisée sur un ordinateur, mais également sur téléphone intelligent et tablette, et ça s'adressera aux enfants de 6 à 10 ans dans 180 pays. L'année dernière, le site code.org avait également lancé une campagne similaire avec Disney en mettant en scène les personnages de la Reine des Neiges. 43% des membres du site sont féminins d'ailleurs. Les leçons avaient alors été complétées 13 millions de fois. L'organisme espère faire encore mieux cette année avec Star Wars au cœur de l'actualité. On ne peut qu'encourager cette idée-là, c'est vraiment une bonne cause d'encourager les jeunes à commencer là-dedans, c'est cool. Une équipe d'ingénieurs de Netflix a profité du hackathon organisé par l'entreprise pour adapter le service à une télévision Philco Predicta, commercialisée durant les années 50, et le résultat est quand même bien. Quand on combine Netflix et hackathon, ça donne des résultats les plus créatifs. La preuve avec ce nouvel exemple que l'on doit à un quatuor d'ingénieurs travaillant au siège de l'entreprise californienne. À l'occasion de hackathon organisé par Netflix, ils ont créé ce qu'ils appellent Netflix VHF, une version particulièrement old school du service qui fonctionne sur une télévision Philco Predicta, un modèle commercialisé à partir de la fin des années 50, principalement aux États-Unis. Les ingénieurs ont trouvé un moyen de porter le flux vidéo vers la télévision qui dispose d'un écran pivotant d'une forme atypique, un peu ronde, que l'on peut facilement qualifier de rétro-futuriste. La navigation se fait par l'intermédiaire d'un bouton sur le côté de la télé, et si l'affichage permet de reconnaître assez facilement Netflix, la qualité de l'image est évidemment rudimentaire et se contente du noir et blanc et de nombreuses sautes d'images. On peut évidemment pas nier le charme vintage de l'ensemble, nous dit Cubic.com. L'idée de pirater une télévision âgée de plus de 60 ans fait donc mouche. Une invention décalée à exposer à côté du DAR NES, un autre projet issu du hackathon, qui a de son côté installé Netflix sur une console NES. C'est à voir sur assemblagehockey.com. Les premiers films Blu-ray Ultra HD en 4K ont été dévoilés par Sony. C'est en 2016 que les premiers films sur Blu-ray HD, Ultra HD, arriveront dans le commerce en marge des premiers lecteurs. Sony a dévoilé ses premiers titres, mais rien d'extraordinaire à se mettre sous la dent. Hasard du timing, donc c'est aujourd'hui, donc récemment, oui, que sortait au Japon le Panasonic DMR UBZ1, le premier lecteur de Blu-ray de Ultra HD de la marque. Évidemment, drôle de timing parce qu'on vient juste de parler des cassettes Betamax qui s'en allaient. La liste des titres dévoilés par Sony ne risque pas de provoquer de l'effervescence chez les consommateurs, nous dit-on. En effet, Sony Pictures Home Entertainment vient d'annoncer l'arrivée dans le commerce début 2016 de The Amazing Spider-Man 2, Salt, Hancock, Chappie, Delir Express, Les Schtroumpfs 2 en Blu-ray Ultra HD. L'éditeur qui avait été le premier à sortir en 2013 des Blu-ray optimisés pour les téléviseurs 4K sera donc l'un des premiers à utiliser sa licence Blu-ray Ultra HD. S'il promet d'étoffer rapidement son catalogue aussi bien avec des films tournés en 4K que d'autres plus anciens et restaurés, il faudra probablement plus que ça pour motiver les consommateurs à mettre la main au porte-monnaie. Un vaste programme pour les prochaines années chez Sony. Les techniques actuelles d'upscaling en 4K sont plutôt efficaces sur la plupart des téléviseurs. Il va falloir être très convaincant pour motiver les utilisateurs à investir dans un nouveau lecteur Blu-ray et mettre à jour leur collection de disques, bien sûr. Allons-y avec le projet Oxford, une intelligence artificielle qui détecte les émotions dans les photos. On en parlait en ouverture d'émission. Après HowOld.net et TwinsOrNot.com, les développeurs de Microsoft dévoilent un nouvel algorithme d'analyse d'images destiné à identifier les émotions. Le projet Oxford, initié en début d'année 2015, regroupe de nombreux outils destinés à aider les développeurs à optimiser leurs applications. L'un des principaux objectifs du programme est de rendre les interactions entre les utilisateurs et les services plus intelligentes en proposant des API spécifiques. Parmi les outils proposés, on trouve notamment ceux qui ont servi à concevoir How-Old.net, qui proposait d'estimer l'âge d'une personne à partir d'une photo, ou encore TwinsOrNot.net, qui était destiné à calculer le pourcentage de ressemblance entre deux personnes. Une nouvelle API vient de faire son apparition sur le site du projet, c'est Emotion Recognition. Comme son nom l'indique, elle permet d'identifier les émotions d'une personne en se basant sur une photo. Les scores sont affichés en fonction du degré d'émotion relevé, sachant que 1 est le score maximum et qu'il se divise selon les différentes émotions. La colère, le mépris, le dégoût, la peur, la joie, la neutralité, la tristesse et la surprise. La page permet d'expérimenter l'algorithme avec ses propres photos, une manière comme une autre de s'amuser un peu sur les internets et de faire parler du projet Oxford pour Microsoft, encore une fois, même si la plupart des gens vont juste dire bah c'est cool, ils verront même pas le fait que c'est du Microsoft, là. Hein, quand même. Mais c'est bien, allez voir le site, hein? En passant par assemblagerequis.com. Oh, pardon. On va s'étouffer là-dessus. Hein. C'est tout pour CNX. Allons-y avec les jeux vidéo les plus loués en club vidéo. En 10e place, Halo 5 Guardians sur Xbox One. En 9e, Need for Speed sur Xbox One. En 8e, aussi Need for Speed sur PS4. En 7e, Call of Duty Black Ops 3 sur PS3. En 6e, le même jeu sur Xbox 360. En 5e, Rise of the Tomb Raider sur Xbox One. En 4e, Call of Duty Black Ops 3 sur PS4. En 3e, le même jeu sur Xbox One. Ça fait 4 fois Call of Duty Black Ops 3, là. En 2e, Fallout 4 sur Xbox One. Et en 1ère, c'est Fallout 4 sur PlayStation 4. Voilà. C'est tout. On va y aller avec une petite chanson. Je me gâte un peu. Vous connaissez peut-être notre ami Smooth McGroove. C'est celui qui fait la musique avec sa bouche. Hein? C'est lui qui fait du a cappella de jeux vidéo. Il y a tellement de chansons de lui sur Internet. C'est génial. Si vous êtes fan de musique de jeux vidéo, vous avez certainement entendu parler de Smooth McGroove. Sinon, ben c'est pas grave, Caroline. Je vous offre une chanson de Mega Man 10 qui s'appelle Spark Mandrill a cappella. Donc le voici, Smooth McGroove, MPS, le Mathieu Plante Show. C'est fou. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p Cappella de Super Mario World, bien sûr, par Smooth McGroove. Avant ça, c'était Deku Palace du jeu Majora's Mask Link, pas de Link to the Past, Legend of Zelda, Ocarina, pas, voyons, je vais-tu le dire comme faut? Legend of Zelda, Majora's Mask, avec la pièce Deku Palace. C'était pourtant super simple quand on y pense. Voilà, c'est tout pour Mathieu Plancho pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci énormément de m'avoir supporté pendant 2 heures. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis à 15h, on rappelle jeudi 13h, aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, et les Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. C'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On va se finir avec une dernière pièce de Smooth McGroove. J'ai choisi celle-là, là, qui va partir tantôt. Je l'avais juste là. C'était une pièce de Castlevania, Vampire Killer. On se quitte là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été là. c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Puis c'est ça qui est ça. Ça vous apprendra. Bye.